weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin feather road. Cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro. Promethazine, yeah, stepping stone. Oh, they acting up, get your weapons wrong. They only killing time, another second gone. I heard your man at home, now you melatonin, but you acting young, and you hella grown. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Gameozo. Vous nous écoutez sur le 107 FM via internet ou sur appli gratuite pour smartphone. Coucou à tous! Et aujourd'hui, eh bien, c'est la dernière de la bulle version quotidienne. Et pour partager cette émission aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi, eh bien, deux invités de marque. Hein. Rémi, qui est venu, eh bien, nous parler de la forteresse de Châtel. Donc, tu y es bénévole, il me semble. Et au téléphone avec nous, Gilles Debris, président de l'association du Vieux Châtel. Comment ça va, Gilles? Très bien, merci. Eh ben merci à vous deux en tout cas d'être parmi nous aujourd'hui au sein de la bulle. Alors on parle bien et eh bien de la forteresse de Châtel qui est l'un des plus grands châteaux forts quand même d'Europe. Il couvre 5 hectares, compte 22 tours, 3 étages de galeries et salles souterraines. La forteresse témoigne de l'évolution de la fortification eh bien du 11e au 16e siècle et une adaptation précoce à l'artillerie à boulets métalliques, mais ça on en saura plus tout au long de cette émission. Alors la forteresse est en partie classée, en partie inscrite, monument historique quand même depuis avril 1988. Cette forteresse, eh bien, elle est l'un des plus importants témoins de l'architecture médiévale militaire de Lorraine. Incroyable histoire pour cette forteresse que l'on va découvrir eh bien, avec nos deux invités aujourd'hui. Mais alors Gilles, je vais vous laisser nous en dire plus sur l'histoire de cette forteresse si vous voulez bien. Mais bien sûr, oui. Alors donc ce château en fait a été établi à la fin du XIe siècle par la famille des comtes de Vaudémont, qui est la branche cadette des ducs de Lorraine. D'accord. Bon, vous savez qu'à l'époque seul l'aîné héritait et donc le cadet n'avait rien du tout. Et donc oui. Il a finalement été se plaindre à l'empereur. À l'époque, c'est donc l'empereur romain germanique qui lui a donné donc le territoire de Châtel et de Saint-Ouen. D'accord. Et donc ce fameux comte de Vaudémont est venu s'installer à Châtel pour construire un premier château donc à la fin du XIe siècle, château qui a ensuite été agrandi au XIIIe siècle. Et puis un événement est survenu, c'est qu'il n'y avait plus d'héritier masculin, donc une des filles s'est mariée avec un certain Thiébaut VII de Neuchâtel, qui est un seigneur bourguignon. Et donc, la forteresse, qui était une forteresse lorraine, est devenue bourguignonne à cette époque, donc à la fin du XIVe siècle. D'accord. Et ce château a ensuite été agrandi très fortement par les successeurs, donc par successivement donc Thiébaut VIII et Thiébaut IX de Neuchâtel, qui sont deux seigneurs qui sont devenus très importants à la cour de Bourgogne, et donc qui ont, au milieu du XVe, adapté le château à l'artillerie. L'artillerie, évidemment, a constitué une révolution dans l'art militaire à cette époque-là, notamment avec l'arrivée des boulets de fer. Mmh. Ces boulets sont évidemment très, très destructeurs des châteaux du Moyen-Âge. Et donc, les Neuchâtel ont adapté leur château, qui était un château à flèches, on se battait à l'époque avec des arcs et des arbalètes, on passe tout d'un coup au canon. Canons qui sont d'abord des canons qui tirent des boulets de pierre et qui ensuite vont tirer des boulets métalliques. Et c'est ce qu'on appelle à l'époque les couleuvrines. Les couleuvrines, ce sont des canons qui ont un barillet assez long, qui permet donc de tirer ces fameux boulets métalliques. Eh ben dis donc, quelle histoire, vous en savez des choses. J'imagine que tout ça, ça a été appris au fur et à mesure. Alors Rémi, toi tu fais partie eh bien aussi de l'association du Vieux Châtel, voilà. Donc là, on vient d'entendre Gilles, qui est président donc, de cette association. Comment vous vous êtes rencontrés? Comment tu as eu envie de participer à cette aventure? Bien, c'est par le biais d'une amie en 2016, où il y avait les journées, le festival des médiévales. D'accord. Qui se passe sur 2 jours. Oui. Et puis elle m'a dit, tiens, viens Rémi, est-ce que ça t'intéresserait de faire du bénévolat pour la journée là? Je dis, d'accord, je connaissais un peu, j'y étais déjà été, donc voir ça de l'intérieur, ça peut être intéressant. Oui. Et puis, comme ça se passe sur 2 jours, moi j'avais postulé pour 1 jour. Et puis après, je vais voir Gilles, puis je fais, est-ce que je peux venir la deuxième journée? Il me fait, oui, pas de problème, tout. Donc, j'y vais la deuxième journée. Puis à la fin, en fin de journée, je vais dans son bureau et puis on prend contact comme ça. Et puis de là, voilà comment a commencé l'aventure. Eh ben super. Gilles, est-ce que vous partagez vos connaissances avec toutes les personnes, tous les bénévoles qui viennent au sein de l'association pour vous aider? Alors, bien sûr, on est très ouvert, évidemment, à leur raconter l'histoire, mais ils ne sont pas forcément intéressés toute l'histoire du château, même d'accord. Si, on est capable de leur faire un petit résumé. Oui. Il y en a beaucoup qui viennent pour participer donc à un mouvement, je dirais, de réhabilitation des monuments. Oui. Ils viennent aussi pour le travail en équipe, pour échanger avec des bénévoles qui sont venus parfois de très loin. On a des Chinois qui viennent, ou des Américains, ou des Russes. Eh oui, quand même. Qui viennent travailler sur le site. On a en particulier donc des chantiers internationaux qui se déroulent durant l'été, oui. Juste 3 fois 15 jours, où on reçoit donc des bénévoles du monde entier. Rémi, lui, il vient de temps en temps pendant les week-ends, mais il participe aussi à des chantiers internationaux quand il a l'opportunité, évidemment, de prendre ses vacances. Voilà. Eh ben, il en faut des gens comme ça quand même, c'est super, mais j'espère quand même que les gens qui viennent un petit peu bien consacrer leur temps au sein de la forteresse s'intéressent quand même à son histoire, parce qu'elle a une histoire incroyable. Je vous ai un petit peu coupé, mais vous, ça fait, il me semble, 40 ans qu'avec votre femme, vous essayez de restaurer pour garder ce patrimoine en place, pour lui redonner cette jeunesse d'antan. Alors en fait, c'est donc mon père et ma mère qui ont commencé cette aventure en 1972. Donc moi, à l'époque, j'étais à l'école, à l'école secondaire. Et donc mes parents donc ont créé cette association parce que la commune a malheureusement construit 2 bâtiments modernes en 1970 sur le site. Bon, faut dire que le site a été, j'ai pas terminé l'histoire, mais le château donc a connu son apogée au XVe siècle, mais il a ensuite été rasé par Louis XIV en 1670. Il a été très très fortement rasé. Oui. À l'époque, évidemment, du temps de Louis XIII et de Louis XIV, on a détruit systématiquement toutes les forteresses médiévales qui faisaient de l'ombre au pouvoir central. Et donc, ce château, malheureusement, a été rasé à cette époque. Et depuis, l'oubli a fait que on a un peu oublié cette forteresse. Et dans les années 70, la commune a eu malheureusement l'idée d'installer des bâtiments modernes. Il faut dire que sur cette butte, on a une très belle vue sur la vallée de la Moselle. Et donc mon père, à ce moment-là, fait une association de protection des ruines. D'accord. Et en particulier d'une maison qui avait été construite au début du XVIIIe siècle par des bonnes sœurs, qui avait été bâtie sur la porterie du château. D'accord. Voilà. Donc cette maison a été restaurée et elle sert aujourd'hui d'une part de petit musée et d'autre part d'hébergement pour les bénévoles qui viennent travailler sur le site. D'accord. Eh bien, dis donc, quelle histoire. Alors, vous avez baigné dès votre enfance, eh bien, un petit peu dans l'histoire de la forteresse, en fait. Oui, alors, donc, au départ, une grande partie de la forteresse était ensevelie sous les décombres, oui, et sous les gravats qui avaient été apportés au XVIIe siècle. Et donc, on a commencé en fait par creuser, dégager les restes. Oui. Et puis, les étages de galerie, eux, étaient relativement préservés. Et donc là, on a simplement déblayé un peu et remis en état, refait les joints, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut visiter le site qui est très effectivement très grand. Oui. Il y a toute une partie en galerie souterraine, donc ça intéresse beaucoup les enfants. Oui. Évidemment, les enfants ou les grands-enfants qui peuvent se prendre à jouer à la guerre du Moyen Âge dans ces galeries. Voilà. Waouh. Est-ce qu'il y a eu des objets retrouvés pendant la restauration de cette forteresse? Oui, alors il y a eu des fouilles, notamment dans les parties les plus anciennes, et on a retrouvé beaucoup de poteries, oui, qui s'échelonnent du XIIIe au XIXe siècle, et puis en particulier quelques donc des épées, et surtout on a retrouvé ce qu'on appelle un bâton à feu, qui est une arme portative, qui est un peu l'ancêtre de l'arquebuse, qui a été construit, probablement qui date du XVe siècle, et qui était une sorte de d'arme portative qui tirait des petites billes de plomb avec de la poudre, et qui servait donc à tirer sur les fantassins qui cherchaient à escalader les murs. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est une arme très très rare. Je crois qu'il y en existe un ou deux dans le monde seulement. Et donc nous sommes évidemment très fiers de posséder cette pièce tout à fait unique. Oui, est-ce que le public a la chance de pouvoir apercevoir ou peut-être avez-vous mis en galerie certains objets pour que le public puisse avoir la chance de les découvrir? Bien sûr, donc nous avons, donc, comme je vous le disais, à l'intérieur de cette maison du début du 18e, nous avons un petit musée où nous exposons donc d'une part les poteries et d'autre part effectivement les armes ou les objets de toutes sortes. Il y a également les restes d'un morceau du pont-levis, il y a quelque chose, beaucoup de tuiles vernissées, puisque le château était couvert en partie, en particulier l'hôtel seigneurial était couvert de tuiles vernissées, puisque on était en territoire bourguignon ici. Oui, oui, oui, comme vous nous le disiez au début de cette émission, on apprend plein de choses avec vous aujourd'hui. Moi, je suis ravie que vous nous parliez de tout ça aussi avec Rémi. Est-ce que toi, Rémi, tu as eu l'occasion de découvrir ces objets depuis le temps où tu participes? Je vais y arriver, je perds mes mots aujourd'hui, dis donc. Je me trompe de prénom, je perds mes mots, c'est super, je vais y arriver. Depuis combien de temps déjà, tu fais partie de cette association? De 2016, ça fait 2 ans. Depuis 2016, voilà. Donc tu nous l'as dit, hein, tu étais venu participer une première journée et puis voilà, après... J'ai mis le doigt dans le grenage et je me suis fait entraîner. Ah bah voilà, là c'est bien dit, tu m'étonnes. Là c'est totalement ça. Du coup, tu t'es un petit peu pris d'amour pour la forteresse, tu as un petit peu plongé dans son histoire, tu en connais un bon bout j'imagine. Oh, un bon bout, moins que Gilles. Il y a plein de choses intéressantes à savoir, mises en dehors du site en lui-même. Oui. On sait que ça a été construit par Gérard, duc de Lorraine. Oui. Et donc, ça donne aussi son nom à Gérard May, par exemple. D'accord. Donc, ça, on le sait. Et puis, au XIIIe siècle, quand il y a eu Henri Ier, comte de Bar, d'accord. Quand il a fortifié la forteresse, il a aussi construit 2 autres châteaux. Oui. Ah oui, il y a plusieurs bouts, fait, sur la forteresse. Ça, c'est donc, intéressant. Donc, vers Nancy, il y a le château de Bainville, oui, au Miroir. D'accord. Donc c'est Bainville au Miroir. Okay. Et un autre à Chaligny. Donc d'accord. C'est dans la région de Nancy. D'accord. Alors à Chaligny, il reste plus de ruines, mais Bainville, il reste quelques-unes. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est intéressant, ça fait découvrir aussi la région. Ok. Ça nous fait aussi découvrir, si tu connais la colline de Sion. Eh oui. Parce qu'il y a, il y a Vaudémont juste à côté, oui, où il reste une partie du donjon. D'accord. Donc ça fait découvrir aussi la région. C'est d'accord. Ça qui est intéressant. Et ça, tout ce patrimoine dont tu nous parles, là, a été construit au même moment, à la même époque? Donc Vaudémont, c'est antérieur, forcément, parce que la famille vient de là. D'accord. Et puis après, en ce qui concerne les deux autres châteaux, ils sont construits vers 1260, 1270. D'accord. Ils sont détruits vers 1470, à peu okay. près. Ok. Gilles, quand on commence à restaurer, en tout cas quand on accueille de jeunes personnes et de moins jeunes peut-être, hein, parce qu'il y a, je pense qu'il y a, il y a toutes sortes de personnes intéressées pour venir participer au chantier au sein de la forteresse, j'imagine qu'on ne fait pas les choses au hasard. Comment ça se passe quand on restaure? Est-ce qu'il y a des techniques particulières qu'on emploie? Ah bah, bien entendu, d'une part... comme vous le disiez tout à l'heure, le château classé, a d'abord été classé à l'inventaire supplémentaire et puis après il a été classé entièrement comme monument historique. Donc par conséquent, tous les travaux qui doivent intervenir sur le site doivent être approuvés par la direction des affaires culturelles, par et en particulier donc par l'architecte des monuments historiques. Nous sommes soumis en fait à un contrôle, bien sûr par la DRAC. D'accord. Les travaux que nous effectuons, en fait, nous leur présentons un programme en général en novembre, et donc ce programme ensuite est approuvé ou amendé, mais en général il est approuvé parce qu'on commence à connaître le sujet. Oui. Donc le programme est à ce moment-là approuvé par la direction des affaires culturelles, qui nous donne également des subventions pour les chantiers de bénévoles. Ce ne sont pas les seules subventions que nous avons, mais c'est une partie de nos subventions. D'accord. Ils viennent ensuite contrôler, bien sûr, les travaux qui sont effectués. Ils viennent les contrôler en général au mois d'octobre. Et donc ces travaux sont ensuite dirigés par un tailleur de pierre, un tailleur et sculpteur de pierre qui s'appelle Florent Perrier, D'accord. qui vient depuis au moins 15 ans sur le site de Châtel. Ah oui. Et qui encadre techniquement les chantiers, notamment les trois chantiers de bénévoles qui ont lieu du 15 juillet au 31 août. D'accord. Donc il est actuellement sur le site avec une équipe d'une vingtaine de personnes donc qui travaillent sous cette direction sur un programme qui est évidemment défini clairement et approuvé par la direction des affaires culturelles. Eh bien, dis donc, plein de choses à savoir aujourd'hui sur cette forteresse de Châtel. Je pense que notre émission d'aujourd'hui ne suffira pas. En tout cas, on vous en donnera un avant-goût tout au long de cette émission. Ne vous inquiétez pas, je suis sûre que vous allez avoir beaucoup, beaucoup de gens qui vont vouloir venir visiter. J'espère que vous êtes prêts. En tout cas, si vous le voulez bien, Gilles et Rémi, on se lance dans notre première bulle de son, playlist spécialement concoctée par l'un de nos invités. Rémi, c'est toi. Mais oui, tu fais partie d'une autre association nommée Tramengo, exactement. Voilà, qui s'occupe d'artistes, avait envie de leur faire un petit clin d'œil. On écoute tout de suite Susanna Schoffel pour A New World, voilà, extrait de son dernier album. C'est tellement mieux dit par toi. On écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. Hey boy, I know that look, you're trying to catch my eye, but I can tell right now that would be unwise. We'd have a drink or two, you try to make me smile, but drinks aren't strong enough to cover up your style. You wanna throw me around like a new word, you heard, not even long that I use yet. You get to define the meaning, find the meaning. You wanna throw me around like a new word, you heard, not even long that I use yet. You get to define the meaning. Voilà pour notre première bulle de son. On est toujours avec nos deux invités. Vous êtes bien dans la bulle avec nous aujourd'hui. Eh bien, Gilles Debris, président de l'association du Vieux-Châtel, et Rémi, en tout cas l'un de ses bénévoles. C'est bien ça, Rémi? Exactement. Ah, on va y arriver. Alors, au sein eh bien, de cette association des bénévoles, j'imagine qu'il y en a quand même beaucoup hein, pour aider l'association. On peut participer à des stages de formation, à des chantiers. J'imagine, Rémi, que tu as beaucoup de personnes autour de toi qui sont bénévoles au sein de la forteresse. Alors, tu rencontres beaucoup de monde? L'association, il y a 120 personnes en tout qui sont adhérentes. D'accord. Voilà. Et en tant que bénévole sur le site, on est un peu moins. D'accord. Voilà. Alors, comme nous l'a suggéré eh bien, Gilles pendant notre off, mm-hmm. Une question quand même très, très intéressante. Qu'est-ce qui te plaît en tant que bénévole sur la forteresse de Châtel? J'ai toujours aimé l'histoire. Donc, ouais. Voilà. Et puis, c'est à côté. En d'accord. Plus, le lieu est sympathique. On a une belle vue. Et on rencontre des gens qui viennent de tous bords. Hein. Oui. Comme là, en ce moment, on en parlait tout à l'heure, les chantiers internationaux. Ça se passe en ce moment. Oui. Le deuxième stage vient de commencer hier. D'accord. D'une durée de 10 jours. D'accord. Et donc là, on a bon, des Français, on a des Marocains, on a des Chinois. C'est fou. Depuis les années 70, il y a eu une cinquantaine ou une soixantaine de nationalités qui sont passées par là. D'accord. Voilà. Alors, pourquoi ils viennent là, tous ces gens? Alors, pour la plupart, en ce qui concerne les Marocains, ils viennent de l'université d'architecture de Marrakech, parce d'accord. qu'on est en partenariat avec. Eh oui, ça, c'est important de le voilà. souligner quand même. C'est tellement important, cette forteresse, on l'a vu, hein, c'est quand mm-hmm. même classé monument historique. Nous, on se rend pas compte dans nos Vosges qu'on a un monument comme ça. Est-ce qu'il y a quand même beaucoup de public, beaucoup de gens qui viennent au sein de la forteresse pour visiter, pour un petit peu s'imbiber de ce patrimoine, de notre histoire? Oui, tout à fait. Alors déjà, ne serait-ce que par les groupes scolaires oui. qu'on accueille tout le long de l'année, il y a environ 3000 jeunes qui viennent. D'accord. Ah visiter. Oui. Oui. D'accord. Ça c'est bien. Et puis sinon, nous avons donc on fait 3 visites par jour, hein, une le matin, deux l'après-midi. Eh oui. Alors faut... si je ne me trompe pas, c'est 10h30, 14h30 et 16h. Exactement. Et voilà. Et ça dure une heure et demie. Une heure et demie. Environ, oui. Tout avec dépend du public qu'on a, si c'est des grands groupes ou non, on peut rallonger ou non. Voilà. D'accord. Gilles, vous participez de temps en temps aux visites. Est-ce que vous, quel est votre rôle vous au sein de l'association? On l'a bien compris. Donc vous êtes le président hein, de l'association du Vieux-Châtel. Est-ce que vous vous rendez tous les jours sur place? Comment ça se passe pour vous? Non, malheureusement, je ne peux pas me rendre disponible tous les jours parce que moi, en réalité, j'habite à Paris. Ah. Donc, je viens très souvent, bien sûr. D'accord. Le fonctionnement de cette association, comme toutes les associations d'ailleurs, elle fonctionne avec un bureau, oui. Qui est un bureau assez réduit, puisqu'il y a 3 personnes seulement dans le bureau. D'accord. Donc un président, un trésorier et un secrétaire. D'accord. Et nous avons un conseil d'administration qui est composé de 12 membres. Oui. Et ce conseil d'administration, en fait, définit les orientations de l'association. Il se réunit 3 fois par an et le bureau, lui, se réunit plus fréquemment, tous les 2 mois environ. Et donc, c'est comme ça que nous définissons des orientations. Les membres de l'association ne sont pas nécessairement des gens qui viennent travailler sur le site. D'accord. Ils sont des sympathisants et qui apportent leur contribution, notamment au cours de l'Assemblée générale qui a lieu tous les ans. Okay. Et par ailleurs, en ce qui concerne les bénévoles, nous avons un petit nombre de bénévoles comme Rémi qui sont très fidèles et qui viennent très régulièrement les week-ends. Mais que l'on félicite. Et puis, puis, nous avons des bénévoles plus, plus ponctuels, qui en fait sont recrutés de façon internationale par l'Union Rempart. L'Union Rempart, c'est une union d'associations qui est en relation avec les ministères, le ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère de la Culture, et également tout ce qui concerne les monuments historiques, bien sûr, le ministère des Armées aussi, parfois, oui. Un monument militaire. Et donc cette Union Rempart, en fait, est en relation à la fois avec les ministères et également avec des organisations internationales qui sont des partenaires pour eux. Et par conséquent, Rempart a donc la capacité à attirer des bénévoles étrangers. D'accord. Donc c'est grâce à eux que nous recevons des bénévoles de nombreuses nationalités. Rempart édite un catalogue chaque année avec les différents sites qui sont disponibles pour accueillir des bénévoles. Et donc les bénévoles choisissent dans ce catalogue le site où ils veulent aller. Donc D'accord. Ça fait un des sites principaux, je dirais, de Rempart. Nous accueillons ainsi depuis plus de 40 ans des bénévoles internationaux. Eh ben dis donc, est-ce que c'est pas trop loin pour vous, est-ce que c'est pas trop dur, pardon, pour vous en tant que président, et puis c'est quand même un petit peu une histoire de famille, hein, pour vous, cette forteresse d'être aussi loin. Heureusement, nous avons le TGV maintenant. Donc, ah bah oui, ça c'est vrai. Paris-Nancy en 1h30, et puis ensuite il y a 40 minutes de train pour revenir de Nancy à Châtel, donc c'est assez bien desservi. Donc je dois dire que je ne viens plus jamais en voiture, je viens toujours en train. Ah bah vous avez bien raison, en plus c'est très écologique et heureusement eh bien un petit peu pour vous soulager et puis vous savez qu'il y a des bénévoles très investis eh bien comme Rémi hein, aujourd'hui avec nous pour eh bien un petit peu s'occuper de votre bijou, cette forteresse. Et oui, tout à fait. Ok. Alors, si vous le voulez bien, on va se lancer dans notre deuxième bulle de son. Gilles, je vais vous remercier de votre participation au sein de la bulle pour nous parler de cette forteresse de Châtel. On continue l'émission pour parler de tout ce qui s'y passe. Et puis, voilà, on ne s'arrête pas là. C'est un sujet qu'on pourrait aborder pendant, je pense, de nombreuses heures. En tout cas, merci beaucoup à vous, Gilles, d'avoir participé. Et puis nous avoir raconté un petit peu un bout d'histoire. Merci à vous, et c'était un plaisir. Au revoir. Au revoir. Alors, Rémi, on lance notre deuxième bulle de son. C'est encore toi qui a concocté cette musique. Et donc, d'Austin en Amérique, on passe à Toronto au Canada avec Amanda Rome, avec le titre Blood from the Stone. Et ben voilà, on écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. You'll find me across. superbe live pour notre deuxième bulle de son spéciale playlist, spéciale Rémi. Merci à toi en tout cas pour ces choix musicaux. Ça nous réveille une bonne fois pour toutes. Oui. Alors aujourd'hui, eh bien, on parle bien de la forteresse de Châtel-sur-Moselle. On a eu il y a quelques instants, eh bien, Gilles Debris, le président de l'association du Vieux Châtel. Maintenant, voilà, on va continuer cette émission avec toi, Rémi. Alors, bien entendu, certains d'entre nous auront plus que très envie, si ce n'est pas encore fait, eh bien, d'aller visiter cette forteresse. Gilles me disait au téléphone quand même 4000 visiteurs par an. Oui. Ça fait beaucoup. Alors, au début de cette visite, on peut regarder une maquette du château qui est située dans le bâtiment d'accueil. Oui. Et ça, c'est plutôt sympa parce que du coup, j'imagine que c'est tellement immense qu'on ne doit pas vraiment se rendre compte de tout ce qu'il y a autour de nous. Et puis, eh ben, cette maquette, c'est vraiment la forteresse telle qu'elle était. Comme elle était au 15e siècle. Voilà, oui. Ça, c'est plutôt génial. Alors, il y a eu des constructions au sein de cette forteresse qui se sont faites au fur et à mesure, elle a évolué, cette forteresse. Oui, tout à fait. Parce que, bon, faut... L'histoire de la forteresse commence au 11e siècle. Oui. Elle s'arrête au 16e. Ah, donc, oui. On imagine qu'en 4 siècles d'histoire, en 5, c'est moi qui ne sais plus compter, en fait. C'est pas grave. Évidemment, il y a eu des modifications. Oui. Hein, au niveau de... au changement de propriétaire, et puis du fait de l'évolution aussi de l'artillerie. D'accord. Donc, au début, on a juste un petit donjon. Oui. Un petit, apparemment, il faisait une trentaine de mètres de haut. Ah oui, quand même. On a une belle vue. Ok. Et puis, petit à petit, ça empiète sur le village qui se trouve à côté. Donc, le village se pousse, les murs de la forteresse s'étendent. Oui. Et puis, au 15e siècle, on a deux améliorations. D'accord. De l'enceinte. Donc, ça, c'est dû au fait de l'amélioration, oui, de l'artillerie. D'accord. Donc, du boulet de pierre au boulet de fer. Ok. Voilà. C'est ce qu'il nous expliquait Gilles juste avant. Du coup, est-ce que au sein de cette forteresse, on remarque les différences justement de construction? Alors, de premier abord, non. Non. C'est pour ça Enfin, c'est mieux d'avoir une visite guidée. C'est, oui, pour ça qu'on ne fait que ça. D'accord, mais ça, sinon, c'est bien. Sinon, le site est fermé au public autrement. D'accord. Et c'est vrai que c'est difficile, des fois, dans les galeries, quand on a le rocher où est construit la première forteresse. Oui. Donc ça, c'est le 11e siècle. Juste à côté, on a un mur du 13e siècle. Oui. On a une meurtrière qui se trouve dans un couloir. On se demande, mais pourquoi? Bah, parce qu'il y a un mur qui se trouve juste derrière, mais il est au 15e siècle. D'accord. Donc, il n'existait pas à l'époque. Et donc, des fois, dans une seule pièce, on a 4 siècles d'histoire d'un coup. Waouh, ça, c'est génial. Toi, en tant que bénévole, bah, j'imagine que tu n'y es pas que les week-ends. Quand tu as du temps libre, tu es peut-être... Parce que bon, j'ai mon travail à côté quand même. C'est vrai. Et puis, j'ai mon autre association avec la musique. Eh ben oui, c'est vrai. Mais est-ce que certains bénévoles, ils sont de façon plus... Enfin, je veux dire, ils Alors, sont aussi la on semaine. On a plutôt des services civiques. D'accord. Qui sont... que l'on prend, en fait. Ça, hein, c'est ils bien. Ils sont deux. D'accord. Et puis, nous avons aussi Anne-Lise, oui, voilà, qui va très certainement nous écouter tout à l'heure. D'accord. Voilà. Et donc, qui, elle, s'occupe de répertorier et refaire l'inventaire de toutes les poteries. Oh, voilà. Donc. Donc ça, son stage dure depuis août dernier. En fait, d'accord, ça fait quasiment un an. Ça fait 9 mois de travail, en fait, qu'elle fait ça. Anne-Lise, on te salue. Voilà. Bon courage, et puis quel travail, c'est génial d'avoir des passionnés autour de soi. Voilà, j'imagine que tu peux un petit peu plonger dans le bain de l'histoire avec les autres bénévoles, et ça doit être plutôt sympa. Oui, puis on a des belles rencontres aussi, parce qu'on tout à l'heure on a dit que la forteresse a été enterrée. Oui. Alors on se rend peut-être pas compte, mais dans les années, quand ça a été enterré, on voyait qu'une colline. D'accord. Et pour se rendre compte un peu, parce que les chiffres sont assez énormes, il y avait 130 000 tonnes de terre. Ah oui. Voilà. Waouh. D'accord. Donc, il y a eu des carrières de remblayés, et puis un bras de la Moselle aussi, hein, qui passe juste... voilà. D'accord. juste pour donner un peu l'idée. Oui, si vous voulez avoir une petite idée de ce qu'est la forteresse de Châtel, eh bien n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook dédiée justement à cette forteresse médiévale. On mettra le lien de cette page et puis également un site internet plutôt très bien fait. Oui. On remettra tout ça en lien avec le podcast de cette émission d'aujourd'hui. Alors, j'imagine que donc, est-ce que toi, tu fais visiter? Oui. Parfois, oui. Donc, je suis guide suppléant. D'accord. Voilà. Donc, oui, il m'arrive de temps en temps de faire des visites. Bon, c'est plus dans la période estivale en ce moment. Voilà. D'accord. Voilà. Sinon, le long de l'année, tout le monde est là. Il y a suffisamment de personnes, de guides disponibles pour faire les visites. C'est sympa. Voilà. Donc, j'imagine qu'il faut vraiment être immergé dans l'histoire pour pouvoir un petit peu retransmettre tout ça. Est-ce que vous êtes costumé ou est-ce qu'on peut vous apercevoir Une fois dans l'année, c'est tout. Ouais. Alors, juste pour revenir à une chose, quand je dis qu'on fait des rencontres assez surprenantes, oui. L'année dernière, justement, je faisais une visite et il y avait deux couples dont les maris étaient d'anciens militaires. D'accord. Et qui ont participé au déblaiement de la forteresse. D'accord. Voilà. Oh, et ah donc oui. Eux, ils l'avaient vu en état, sous la terre. D'accord. Et donc, bah, forcément, ça a été un plaisir de leur faire découvrir galeries mises à nu. J'imagine. Voilà. J'imagine qu'au fur et à mesure du temps, en fait, les gens peuvent peut-être constater certaines transformations. Oui, il y a des personnes qui reviennent régulièrement ramener leurs amis ou leur famille. Oui, c'est assez agréable. Ça avance bien. Donc, il y a des chantiers pour pouvoir aider un petit peu au sein de la forteresse, pour pouvoir un petit peu redonner cette jeunesse qu'elle aurait perdue. Mais en tout cas, elle est quand même magnifique, même si j'imagine qu'il reste encore énormément de choses à y faire. Ça, c'est sans aucun doute. Il y a également des découvertes des métiers du patrimoine qui sont proposées. Oui, on fait des stages de forge, ouais. De vitrail aussi. D'accord. Donc, va y en avoir à la fin de l'année. C'est vraiment très très chouette de pouvoir un petit peu, toucher du bout du doigt un peu ces métiers d'antan qui se perdent. Et puis, il y a aussi, pendant les stages qui se passent en ce moment, tout ce qui est le travail de la pierre, la taille de la pierre, la sculpture. Ah oui. Donc, tout se fait comme à l'époque, ou du moins au plus proche. Oui. Voilà. Et là, c'est le deuxième chantier. C'est le deuxième chantier qui est consacré à la rénovation d'un rempart du 15e siècle. D'accord. Parce que les intempéries font que les pierres se décèlent. Oui. Donc là, c'est nettoyage du mur. On enlève les pierres qui a changé. On remet du mortier. Et voilà. D'accord. Et toi, tu tailles aussi? Alors, cette année, je vais prendre un peu de vacances. D'accord. Voilà. Mais sinon, oui, je taillais un peu de pierre, oui. Donc voilà. ça s'apprend sur le tas? Voilà, oui. Ah, c'est donc, chouette. Avec Florent Perrier qui nous inculque ses connaissances. Eh ben, dis donc, ça, c'est super. Donc, du coup, on a parlé un petit peu des visites. On peut donc visiter cette forteresse tous les jours jusqu'au 2 septembre à 10h30, 14h30 et 16h. Faut-il s'inscrire pour visiter? Non, quand c'est des visites individuelles, il n'y a pas besoin. C'est seulement quand il y a des groupes où il y a besoin d'une gestion un peu derrière, où là, oui, il D'accord. faut s'inscrire. Okay. Mais c'est plus pour les scolaires ou quand il y a beaucoup de touristes. Quoi. Les groupes, mais quoi. Mais sinon, il n'y a pas besoin. On peut venir comme ça. Ok. J'imagine que là, ça doit remuer beaucoup de monde. Ça doit être un petit peu impressionnant de voir la forteresse un peu inondée de personnes. Là, oui. D'autant plus que... Alors, j'en reviens juste à ta question parce que je n'ai pas répondu sur les visites costumées. Ah oui. Et donc, effectivement, le samedi 4 août, on fait une visite nocturne qui s'appelle « Si la nuit m'était comptée ». Ah, ça, c'est chouette. Et donc ça c'est la nuit, les bénévoles qui font les stages de taille de pierre, tout ça, s'occupent aussi de faire les figurants. Waouh, voilà. Sympa. Alors, samedi 4 août, visite nocturne, alors ça se passe à quelle heure? Ah, c'est en soirée, il y a tous les renseignements sur l'office de tourisme à Épinal. D'accord. C'est plus simple. On va vous chercher l'info pour vous mettre tout ça en lien avec le podcast de cette émission. C'est à la tombée de la nuit, vers 19-20h, voilà. Ça va être sympa. Moi, j'ai hâte de voir ça. Pourquoi pas, tiens, ça peut être sympa. Est-ce que toi, tu te déguiseras à cette occasion? Ah bah c'est tu te costumeras plutôt, c'est une obligation. D'accord. Eh bien, disons que on si on va pas me faire jeter des remparts. Non, on va éviter. On va éviter. On va te garder en bonne santé. Que dis-tu, que dirais-tu de lancer notre troisième bulle de son, Rémi ? Alors, juste une chose à la dis-moi. Avant, il y a après le dimanche 5 août, du 11 août. On en avait déjà parlé à la radio, c'est la semaine du cyclotourisme, oui. Où on attend 10 000 personnes, oui. Et qui passeront, et voire plus, voilà. Peut-être 12 ou 15, ouais, on ne sait pas, ouais. Ils passeront par la forteresse. Ah, ça c'est voilà. Sympa. Ok, on avait reçu Toff Blanc d'ailleurs à cette occasion qui nous parlait de ses constructions, ses fabrications, voilà, ses créations de vélos. Voilà. D'accord, donc cette fameuse... Donc ils passeront par là, et il y aura des banquets durant la semaine, les banquets le soir, costumés avec des animations, et on attend 150 personnes à chaque fois par banquet. D'accord, voilà. Donc du 5 au 11 août, tous les jours ? Bien, ma foi, du 6 au 10 en ce qui nous concerne. D'accord. La forteresse. Ok. Voilà. Eh bien, c'est noté. On va reprendre toutes ces informations. Ne vous inquiétez pas. Alors, on peut maintenant lancer notre troisième bulle de son. Allez, vas-y. Et donc, c'est les Madison Violet. Ouais. On reste à Toronto avec leur titre We Are Famous. Ok, on écoute voilà. Ça tout de suite et on se retrouve juste après. So hard to let me go, but you already know I've been schooled. I know the highs and lows are hard to take. Yeah, I've made mistakes, the fates are cruel. But how, when we had it all, forget that we are famous. Living it up when we're breaking, so we never let it change us. We never give up, we never let it stop. Yeah, we are famous for living it up when we're breaking, so we never let it change us. We are famous. Of a dying breed. Now we're fast asleep on a bed of lies. I bet on promises and a heart of gold. Together we grow old, but you won't fight. Forget that we are famous for living it up when we're breaking. Say we never let it change us. We never give up. We never let it stop. Yeah, we are famous for living it up when we're breaking. Say we never let it change us. We are famous. Just remember what we had, how we danced through the skips in our records. Young was loving wild, and we wander where the lamplights flicker, they would never burn out. How we had it all. We are famous for living it up when we're breaking. So we never let it change us. Never give up, we never let it stop. Yeah, we were famous for living it up when we're breaking. Say we never let it change us. We never give up, we star. Yeah, yeah, yeah, we are famous for living it up when we're breaking. So we never let it change us. We are famous. Et voilà pour notre dernière bulle de son playlist, encore une fois spécialement concoctée par Rémi, notre invité, qui est bénévole au sein de l'association du Vieux-Châtel, on l'a bien compris. On parle aujourd'hui eh bien de cette forteresse médiévale de Châtel-sur-Moselle, qui est quand même l'une eh bien des plus grandes d'Europe. N'hésitez pas à vous y rendre si c'est pas encore fait quand même. J'imagine qu'il y a beaucoup de Vosgiens et oula, qu'il y a beaucoup de Vosgiens et même de gens très très proches de chez nous qui ne sont jamais allés sur cette forteresse, eh bien c'est le moment. Les visites sont prévues à 10h30, 14h30 et 16h. Pas besoin de s'inscrire, vous n'avez qu'à vous rendre sur place. Et puis eh bien certains des bénévoles viendront vous accueillir pour une visite guidée avec une partie en plus, Gilles nous disait, en souterrain. Tout à fait. Ça, ça doit être quand même quelque chose. Il y a 3 niveaux de galerie. D'accord. Il y a des torches pour... Non. On est au 21e siècle. On a posé l'électricité. Mince. Les torches, c'est seulement le 4 août pour la visite nocturne. Alors, n'hésitez pas et n'oubliez pas, samedi 4 août, à la tombée de la nuit, visite nocturne de cette forteresse médiévale. On s'y rendra avec grand plaisir. Alors, on en parlait tout à l'heure, il y a quand même de nombreux scolaires et centres de vacances ou de loisirs, en tout cas, qui viennent au sein de la forteresse. Est-ce que toi, ça t'arrive de prendre en charge des groupes d'enfants scolaires? Alors, non, pas du tout. C'est pas mon travail. D'accord. Non. Est-ce que tu en rencontres certains sur la forteresse ou non? Non, parce que ça se passe pendant mes périodes de travail, donc Tant pis. Là j'y suis pas. D'accord. Ok. Eh ben, il y a quand même des enfants qui vont sur cette forteresse. J'imagine que c'est un bon moment pour eux pour renouer avec l'histoire, hein, comme toi tu as pu le faire. Est-ce que d'ailleurs toi tu connaissais cette forteresse avant d'y être bénévole de nom ou vraiment d'histoire déjà? De nom, j'ai été deux fois lors des médiévales. D'accord. Donc c'était en 2012 et 2014. Alors cette fête médiévale, voilà, elle a lieu tous les deux ans. Elle est déjà passée pour cette année, voilà, en 2018. Donc rendez-vous en 2020. Et c'est toujours le lundi de la Pentecôte, c'est facile à retenir. On ne manquera pas de vous rappeler cet événement dans 2 ans. Ne vous inquiétez pas. Alors, est-ce qu'il y a d'autres événements au sein de la forteresse? Là, tu nous parlais donc de cette visite nocturne. De cette visite nocturne. Des banquets ouverts justement. Voilà, par lors de la semaine du cyclotourisme. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses de prévues? On a les journées du patrimoine aussi, le 15 et 16 septembre. Ok. Voilà. Ça, c'est à noter. Et puis, en mars, on a fait une chose nouvelle, c'est qu'on a ouvert nos portes à l'association une association de trail. Oui. En fait, donc un trail qui a fait 2 parcours de 9 et de 20 km, si ma mémoire est bonne. Et la fin du parcours, c'était l'ascension des galeries de la forteresse. Waouh, ça doit être quelque chose. Voilà. Quel apogée pour le final, ça doit être superbe. Il me semble que de nom, pour les nommer, si je ne me trompe pas, c'est les coureurs de remparts. D'accord. Il me semble. Eh ben, association de Châtel-Nomexy. Voilà. Eh ben voilà, un petit clin d'œil à eux, courageux, qui sont venus gravir. C'était leur première édition et il y avait, de mémoire, 450 participants. D'accord. Voilà. Est-ce que tu penses rester encore très longtemps au sein de cette association? Est-ce que vraiment tu y prends un grand plaisir? Ah bah après, faut voir de quoi l'avenir a fait, hein. Ça, on m'aurait dit il y a 3 ans que je serais dans 2 associations, voilà, j'aurais dit j'aurais pas le temps ou je ne sais pas, on sait pas, voilà. Est-ce mais que tu le inviterais... plus longtemps possible, ce serait bien, oui. Ok. Est-ce que tu inviterais, qu'est-ce que tu dirais aux gens pour qu'ils viennent s'investir à vos côtés, peut-être aux amoureux d'histoire ou aux autres, on ne sait pas? Oh, il y a toujours des choses à découvrir, hein. Ouais. On fait vite le tour à pied quand même. D'accord. Ah, mais bon, au point de... Ah, oh, ça paraît tellement immense. Ah oui, je marche peut-être vite alors. Mais il y a toujours des points sur l'histoire ou des détails sur l'architecture qu'on ne voit pas du premier coup. Donc on en découvre régulièrement. Oui, c'est vrai, on s'émerveille de temps en temps. On se dit, ah tiens, oui, ça, oui, je l'avais jamais vu avant. Et puis il y a encore des travaux à faire sur la forteresse. On a le planning pour les 10 prochaines années, là. Ah oui, oui. J'imagine, oui. Voilà. Là, tu nous parlais juste avant du deuxième chantier là, qui est en cours pour le mois d'août. C'est ça. Est-ce que vous arrivez vraiment à boucler à la fin du chantier ce que vous vous étiez donné à faire ? Oui. Oui ? Oui, oui. Il y a combien de jeunes là, ou de moins jeunes d'ailleurs, je ne sais pas. Donc là, là tout de suite, il y a 21 jeunes qui D'accord. viennent, okay. qui sont encadrés donc, par deux animateurs. Oui. Et donc, ils ont l'habitude de savoir qu'est-ce qui est réalisable en un mois, en 6 semaines. D'accord, ok. Donc, c'est 6 semaines le chantier. Oui, c'est 2 x 3. D'accord, ok. Pardon, trois sessions de 2 semaines. Ah, ok, d'accord, ok. Voilà. Donc, du coup, ils sont pris en charge par un animateur et eux, ils arrivent à gérer le temps. Ok. Donc, il y a 3 chantiers sur le site. Un qui s'occupe de la rénovation d'un rempart du 15e siècle. D'accord. Un qui s'occupe de la rénovation d'une tour de flanquement. D'accord. Voilà. Et puis un troisième chantier, c'est la protection des ruines. Donc c'est mettre du gravier D'accord. À la place de la terre pour éviter qu'il y ait trop d'herbes folles qui brisent en fait les joints. Ok. Ouais. Donc là, c'est au sein de ces chantiers qu'il y a certains bénévoles étrangers qui viennent. C'est ça, oui. Ok. Mmh. Est-ce que ça leur plaît ? Est-ce qu'ils sont intrigués par cette forteresse ou est-ce qu'ils ont l'habitude ? On a toujours eu des bons retours. On a même des jeunes qui reviennent aussi d'année D'accord. en année parfois. Ok. Mmh. Est-ce qu'il y a des Vosgiens qui viennent participer ? Oui, tout à fait. Oui. Ok. Donc tout le monde est mélangé. Ça, c'est en plus, oui. En plus de faire de participer à une bonne cause avec cette rénovation d'une partie de la forteresse. Hein, il y a bien un sûr, mélange hein. culturel. Voilà, ça c'est chouette. Qui se fait. Ça c'est sympa. Et toi, tu t'occupes un petit peu de ces chantiers. En tout cas, tu participes. Alors, j'y participe. Je m'en occupe pas. Ouais. Du moins, pas encore. Ouais. Voilà. D'accord. Et puis non, c'est toujours intéressant de discuter avec des personnes qui viennent des 4 coins du monde. Hein, ouais. Donc, comme je disais, il y a 2 semaines, hein, on a eu des Marocains, on a eu des Égyptiens, une Grecque, une Russe, voilà. Eh ben oui, ça doit être vraiment sympa au sein d'une forteresse médiévale en plein milieu des Vosges. Ça, c'est trop bon. Est-ce que tu as un dernier mot pour nous avant de la fin de cette émission ? Oh, eh bien, là, comme ça, je ne sais pas. Quelque chose qu'on n'aurait pas dit. Quelque chose qu'on n'aurait pas dit. Eh bien, n'hésitez pas à venir. Eh ben oui. À découvrir cette forteresse. Eh ben oui. Et puis toutes les informations, eh bien sur la page Facebook, mais également, eh bien sur le site internet qui lui est dédié, chatel-medieval.com. On remettra tout ça en lien avec le podcast. Il y a aussi un Facebook. Ouais. Pareil, c'est Forteresse médiévale de Châtel-sur-Moselle. Avec voilà. plein de photos magnifiques. N'hésitez pas à aller voir. Ça donne vraiment envie. On le rappelle, hein, les visites sont ouvertes à 10h30, 14h30 et 16h. À petit prix, 7 ouais, euros si vrai. Vous voulez savoir. C'est vrai. C'est 7 euros. Et puis pour ceux qui ont les cartes d'abonnement pour la région, c'est une petite réduction. C'est à 6 euros l'entrée. Voilà. Et puis c'est gratuit pour les moins de 6 ans, il me semble. Voilà, oui. Quelques euros pour les 6-12. Voilà, c'est vraiment pour tous les. Pour tous les prix. Voilà. Pour toutes les bourses, pour tout le comme on dirait. Eh bien, en tout cas, j'ai été ravie de faire cette émission sur cette forteresse de Châtel-sur-Moselle avec toi, Rémi, mais aussi avec Gilles, que nous avons eu tout à l'heure au téléphone, qui était donc le président de l'association du Vieux Châtel. On aurait pu faire encore beaucoup plus de temps sur ce sujet. Malheureusement, c'est bien l'heure de nous quitter, mais n'hésitez pas à vous rendre sur place, à aller voir sur Facebook toutes les informations. Je suis sûre que ça vous donnera envie si vous n'y êtes jamais allé. Et puis si vous y êtes déjà rendu, eh bien n'hésitez pas à y retourner. Pourquoi pas pour retrouver ces transformations voilà. qui ont lieu. Parce que j'imagine. Et on vous accueille avec grand plaisir. Et ben ça, c'est sympa. Et puis, on n'oublie pas cette fameuse visite nocturne le samedi 4 août avec nos bénévoles costumés. Ça, costumés et aux torches. Voilà. Ouais, et aux torches. Ça donne envie. Et bien, voilà, je vous fais des gros, gros bisous. C'était la dernière de la bulle de l'IA version quotidienne. On se retrouve dès la rentrée pour une version hebdomadaire. Ne vous inquiétez pas. Je vous fais de gros, gros bisous. J'ai vraiment adoré cette année passée avec vous, avec tous mes invités. Rémi, merci d'être venu pour ma dernière. Je vous embrasse bien fort, mes collègues, mes invités, etc., etc. Mais je vous ai déjà tous nommés hier, mais c'est pas grave, j'ai encore envie de le faire. Et puis surtout, surtout, eh bien, n'oubliez pas, c'est comme tous les jours, et même si je ne suis pas là pour vous rappeler, eh bien, c'est bonheur, rire et joie à tous. Weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin, feather road. Cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro. Promethazine, yeah, stepping stone. Oh, they acting up, get your weapons wrong. They only killing time, another second gone. I heard your man at home, now you melatonin. But you acting young, and you hella grown.